Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la présidence accidentelle d'Harry Truman. This is a solemn but a glorious hour. I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. C'est le 9 mai 1945 que le président Truman annonce aux Américains la capitulation de l'Allemagne nazie, et c'est le même président Truman qui va autoriser quelques mois plus tard l'utilisation de l'arme nucléaire contre le Japon au mois d'août 1945. Harry Truman accède en quelque sorte par accident à la présidence américaine quand il succède à Franklin D. Roosevelt, qui meurt en exercice en avril 1945, quelques semaines seulement avant la capitulation de l'Allemagne nazie, d'où cette référence de Truman à Roosevelt dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Et c'est dans ce contexte, donc, d'après-guerre, qu'Harry Truman amorcera sa présidence, une présidence inattendue, mais qui n'en sera pas moins mémorable. Je pense que l'époque Harry Truman, c'est une illustration parfaite de l'alchimie magique de la Maison-Blanche. La Maison-Blanche, c'est une sorte de chambre de pression extraordinaire dans laquelle des géants sont souvent transformés en nains et des nains en géants. Permettez-moi de vous parler d'abord de Truman, qui, avant d'être élu président, était plus ou moins un nain, un très petit homme. C'était un politicien, comme on dit chez nous, un « courthouse politician », homme de la petite cour de la mairie, on dirait en France un homme du clocher. Et puis ce petit homme est devenu l'un des géants de notre monde. Quand vous voyez un peu les décisions qu'il a été appelé à prendre, la fin de la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la décision de lâcher la bombe atomique sur les Japonais, le plan Marshall, la doctrine Truman, l'Alliance Atlantique, la guerre de Corée, le commencement ici en politique intérieure du mouvement des droits civiques, la libération des Noirs, son refus de suivre les sorcières de l'anticommunisme. Quelle carrière extraordinaire! Quelle décision remarquable! Et pour les États-Unis et pour le monde entier. Le journaliste David Schönbrunn à l'émission Présent en 1972 pour nous parler et pour nous décrire cette présidence inattendue d'Harry Truman. Je retrouve l'historien André Champagne, collaborateur régulier de l'émission. André Champagne, bonjour. Bonjour Jacques Beauchamp. Il y a déjà beaucoup de choses dans ce qu'on vient d'entendre. Oui, c'est un bon résumé. C'est vrai que c'est une présidence inattendue mais importante. Quand vous repensez à Truman, à cette présidence-là, qu'est-ce qui pour vous ressort tout de suite comme une évidence? La bombe atomique. Oui. La bombe atomique, la doctrine Truman, la réaction face à l'agression nord-coréenne contre la Corée du Sud, le plan Marshall, sa première rencontre avec Molotov en mai 1945, il envoie Molotov au diable. Qui est le ministre des Affaires étrangères de Staline, soviétique. Il envoie Molotov au diable. Pourquoi? Parce qu'il dit à Molotov, vous ne respectez pas vos engagements. Staline a promis à Yalta la tenue d'élections libres en Pologne. Vous ne le faites pas. Alors, tant et aussi longtemps que vous ne respectez pas votre parole, vous serez traité comme ça. Ouais. Et Molotov dit, on ne m'a jamais parlé sur ce ton-là. Ce qui est fascinant du parcours de Truman, c'est qu'il est... Tout ce que vous venez de me dire touche une chose, vise Moscou, touche son anticommunisme farouche. C'est un anticommuniste farouche, Harry Truman. Ouais. Et ce qui est fascinant, André Champagne, c'est qu'aux États-Unis, la droite républicaine va passer tout son temps à le soupçonner. À le vilipender. Et à dire c'est un méchant communiste, ce gars-là. Oui. Pourquoi? Parce que c'est un homme du peuple, parce que c'est un partisan du New Deal, parce que c'est un partisan des réformes sociales, parce qu'il va organiser, il va par décret présidentiel ordonner la déségrégation de l'armée, parce que c'est un progressiste. C'est un progressiste. Mais parce que c'est le common man, c'est l'homme du peuple qui a grandi sur une ferme près de Independence au Missouri, qui n'a pas fait d'études universitaires. Pourquoi? Parce que son père a été ruiné au moment où Harry aurait pu rentrer à l'université. C'est un self-made man. C'est un homme qui était surnommé le petit chemisier du Missouri. C'est un homme qu'on n'attendait pas. C'est par un les homme... autres congressistes. Quel mépris! Mais totalement, totalement. Même Franklin Delano Roosevelt, au moment où Truman est élu au Sénat en 1934. Roosevelt le méprise. Pourquoi? Parce que Truman est associé à Tom Pendergast, qui est reconnu comme le grand boss, le grand patron de la machine politique de Kansas City. Et c'est lui qui fait la pluie et le beau temps au Missouri. C'est un politicien corrompu. Et aux yeux de Roosevelt, eh bien, Truman, c'est probablement pareil. Et étant donné que c'est un homme qui n'a pas une belle éducation universitaire et qu'il vient de nulle part, alors évidemment, il n'est pas reconnu par l'establishment politique. Ouais. Roosevelt, c'est un grand patricien. Il vient d'une des grandes familles, vraiment la grande bourgeoisie new-yorkaise, alors que son successeur vient de nulle part. Ouais. Ça résume déjà... Et d'ailleurs, la politique va... Ça, c'est assez étonnant aussi. Va arriver très tard dans la vie de Truman. Il est élu au Congrès pour la première fois. Il a 50 ans. Il a 50 ans. Oui, il est né en 1884. Il n'a rien fait de particulièrement mémorable, si ce n'est qu'il a dirigé avec brio une unité vraiment d'artillerie en 1917-1918. Il a été reconnu par les soldats de son unité. C'est un homme qui a investi dans les mines puis qui s'est ruiné, qui a investi dans le pétrole qui s'est ruiné. La mercerie qu'il a ouverte avec son associé Jacobson a fait faillite. C'est un homme qui a fait de la politique municipale. Il a fait mille et un métiers et puis il échouait systématiquement jusqu'au moment où, en 1934, ce boss là, de Kansas City, Tom Pendergast, l'approche pour lui dire « Qu'est-ce que tu dirais d'être candidat démocrate pour le Sénat? » Alors, et Truman, sa réaction, c'est « Moi? » Je ne suis pas préparé pour ça. Puis Pendergast lui dit, on va organiser. On s'occupe de tout et tu seras probablement élu. Ouais. Et effectivement, il est élu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand il entre au Sénat, il est très mal perçu. Pourquoi? Parce qu'il est associé à ce politicien corrompu et il doit faire preuve d'une intégrité sans pareil pour devenir crédible. Et c'est là le miracle de Harry Truman, c'est qu'il va réussir justement à se démarquer de ce protecteur corrompu et de se faire reconnaître comme vraiment Monsieur Intégrité, tant et si bien qu'en 1941, quand l'Amérique commence à se préparer pour rentrer dans la guerre, il décide, lui, d'aller faire une tournée des camps militaires qu'on est en train de construire pour s'apercevoir si l'argent des fonds publics est bien utilisé. Mm-hmm. Et au terme de cette tournée-là, il démontre à quel point, justement, il y a des travailleurs de la construction qui sont payés à ne rien faire, il y a des fournisseurs qui sont payés à ne rien faire, et il démontre que l'argent public est très mal dépensé. Ouais. Il fait un rapport qui est remarqué par le Congrès. Et résultat, une fois que les États-Unis entrent en guerre, il est nommé à la tête d'une commission, justement, qui doit veiller sur comment sont gérés les énormes contrats d'armement que le gouvernement américain donne aux grandes compagnies américaines. C'est vraiment là qu'il se fait remarquer. Exactement. À cette commission d'enquête sur le programme de défense nationale, il va identifier tellement de dépenses exagérées, de gaspillages. Il y a toutes sortes de chiffres, mais exactement. Beaucoup, beaucoup d'argent. Des centaines, on parle même de milliards dans certains articles que j'ai lus. On dit qu'il aurait fait économiser au moins, seulement qu'en 41-42, 15 milliards de dollars au Trésor américain. Ouais. En 44, les démocrates décident de le choisir comme candidat à la vice-présidence. Compte tenu de ce que vous nous avez dit, ça peut paraître étonnant à première vue. Oui. Lui qu'on traitait de petit chemisier ou à peu près. Pourquoi? Pourquoi Truman? La raison est très simple. C'est que depuis 1940, le vice-président, c'est Henry Wallace. Henry Wallace, c'est un démocrate progressiste qui est plutôt partisan des bons rapports avec l'URSS, qui est un partisan de Staline, qui est favorable, lui, aux droits civiques, qui est favorable vraiment à une extension des réformes sociales du New Deal. Résultat, donc, il déplaît aux démocrates conservateurs du sud des États-Unis, il déplaît aux républicains. Et étant donné qu'on sait très bien dans l'establishment démocrate que Franklin Delano Roosevelt ne terminera pas son quatrième mandat, c'est clair que la personne qu'on va choisir comme son coalitier devra assumer la fonction suprême éventuellement. Donc, ça prend quelqu'un qui est crédible, ça prend quelqu'un qui ne fera pas peur à l'establishment du parti, mais surtout aux démocrates du sud. Et Et comme il vient du Missouri, les démocrates du Sud devraient le voir vraiment bien. Et résultat, donc, on lui offre d'être vice-président. Il est le premier surpris. Sa première réaction, c'est de décliner. Puis finalement, on lui dit non, tu vas être le candidat à la vice-présidence. Et effectivement, en novembre 1944, Roosevelt est réélu pour un quatrième mandat et il va servir comme vice-président pendant 82 jours. Ben voilà, parce que ce que personne n'avait prévu, c'est que, bien sûr, on se disait il sera un jour président, mais pas si rapidement. Pas aussi rapidement. Ce qui fait qu'il arrive, André Champagne, Harry Truman, à la présidence, mal préparé, de manière précipitée, en tout cas. En principe, oui. Pourquoi? Parce que, bon, pendant ces 82 jours-là, il ne rencontre le président qu'à deux reprises. Et Roosevelt le méprise. Résultat, Roosevelt ne lui parle pas des dossiers importants. Par exemple, il ne l'informe même pas du projet Manhattan qui est en cours de construction, c'est-à-dire le projet pour construire la première bombe atomique. Ça, il ne l'informe même pas. Il ne l'informe même pas du contenu des discussions qui se sont tenues à Yalta. Donc, en principe, il est mal préparé. Mais attention, ce regard que l'establishment du Congrès porte sur lui, que l'opinion américaine porte sur lui, doit être nuancé. Pourquoi? Parce que, oui, il n'a pas fait d'études universitaires. Mais Harry Truman est un homme qui a lu énormément pendant sa jeunesse, pendant toute sa vie. On prétend qu'il aurait lu tous les articles à caractère historique de l'Encyclopédia Britannica. Mm-hmm. C'est un grand consommateur de biographies d'hommes politiques. Et c'est un homme qui réfléchissait énormément et qui avait tout un réseau. Donc, immense culture générale. Immense culture générale. Et ce qui est frappant, c'est qu'au moment où il devient président, il décide de garder les principaux conseillers du président sortant. Et assez rapidement, ces personnes-là qui le méprisaient se rendent compte qu'il connaît très bien ses dossiers, qu'il travaille énormément et qu'il a surtout cette aptitude à prendre des décisions. D'ailleurs, il disait tout le temps « the buck stops here ». Il avait cet esprit décisif. Et c'est ça qui va faire la différence. Ouais. L'un des premiers gestes très importants qu'il va poser, c'est d'autant plus fascinant que vous nous disiez à l'instant que le président Roosevelt ne l'avait même pas informé du développement de la bombe atomique, de ce projet Manhattan. L'une des premières décisions importantes qu'il va prendre, Truman, c'est de dire « on y va ». On largue la bombe atomique au Japon en août 45 à Nagasaki et à Hiroshima. On écoute là-dessus le journaliste David Schönbrunn qu'on entendait au début de l'émission, autre extrait de l'émission Présent en 1972. Et puis on lui avait dit de lâcher la bombe atomique. Il avait beaucoup, beaucoup hésité. Tout homme raisonnable hésitera avant de lâcher cet instrument diabolique. Il a finalement pris cette décision. Quand on pose la question à Truman, qui étaient vos conseillers? Est-ce que vous avez eu de bons et de mauvais conseils? Sa réponse était tellement humain, tellement juste, tellement grand, très grand, qu'il est devenu un géant dans mes yeux quand il a répondu, écoutez, un président reçoit beaucoup de conseils, bons et mauvais, mais c'est lui qui décide. Et si la décision est fausse, c'est lui qui est responsable. Vous rappelez la phrase anglaise, quand il a parlé de son bureau, « This is where the buck stops ». C'est quand même, bien sûr que c'est le président qui assume toutes les responsabilités, mais c'est quand même une décision très importante, André Champagne, le largage de ses bombes sur Hiroshima et Nagasaki. Qu'est-ce qu'il convainc? Pourquoi il dit il faut le faire? Parce que, d'une part, l'opinion publique réclame le retour des soldats le plus rapidement possible. L'Allemagne a capitulé. Oui, la guerre s'est terminée en Europe le 8 mai 45. Donc, on a rapatrié une partie des troupes. Mais le haut commandement militaire prévoit que la guerre contre le Japon ne se terminera pas avant, au plus tôt, janvier 1946. Et que le projet d'envahir et d'occuper les îles japonaises pourrait coûter entre 100, 200 et même 300 000 morts pour l'armée américaine, puis plus d'un million de morts pour le Japon. Et ce que veut l'opinion publique, c'est le retour des soldats. Et aussi, le projet Manhattan, ça a coûté 5 milliards au trésor américain. Et conséquemment, il est impératif d'utiliser cette arme-là, d'autant plus que, étant donné que les rapports se détériorent avec la Russie soviétique, étant donné que Staline vraiment manifeste son intention d'occuper les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, libérés par l'armée rouge, il faut envoyer un avertissement à Moscou. Donc, la bombe atomique permet d'une part d'accélérer la fin du conflit, mais d'autre part d'envoyer un message à Staline et aux Soviétiques. Ouais. Ce qui est son obsession, on y reviendra dans une minute ou deux, mais un petit mot quand même avant de retourner sur ce thème de l'anticommunisme farouche de Truman, un petit mot sur la situation politique à l'intérieur des États-Unis, parce que quand on est président, il faut être élu par les Américains, ça compte, comment ça se passe à l'intérieur de ses frontières, et ça va très mal. Ça va très mal, pourquoi? Parce que, écoutez, vous avez eu la Grande Dépression de 1929 à 1939. Vous avez eu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, la guerre a créé le plein emploi. Sauf que pendant la guerre, les salaires étaient gelés. Alors, les travailleurs de l'automobile, les travailleurs de la sidérurgie, les cheminots s'attendent à du rattrapage salarial. Pourquoi? Parce que pendant la guerre, on leur a dit, une fois la guerre terminée, on augmentera les salaires. Conséquemment, les syndicats sont extrêmement revendicateurs. Ils augmentent des augmentations de salaires. Mais en même temps, Truman se dit, si on augmente trop rapidement les salaires, on va créer une crise inflationniste. Oui. Et comme les Américains ont été obligés de se serrer la ceinture pendant la Dépression puis pendant la guerre, les Américains veulent consommer. Donc, il est coincé. Donc, d'une part, il doit tenir compte des revendications des syndicats, mais en même temps, il veut éviter une crise inflationniste. Et surtout, il ne veut pas heurter les grandes corporations qui, justement, finance le Parti démocrate. Et donc, il est un peu coincé. Alors, finalement, il va ménager la chèvre et le chou, mais il sera d'une habileté incroyable. Mais il faut souligner le fait que les syndicats lui étaient plutôt favorables. Oui, oui, mais comme le pays est en grève, pression très, très forte, sa cote va descendre, sa cote de popularité. Parce qu'il aura le projet de conscrire les cheminots, rien de moins. De les obliger à un retour au travail. Il envisage la même chose avec les travailleurs de la sidérurgie et il ne peut pas le faire. Mais je reviens à cet impératif électoral. Quand on est président des États-Unis, il faut être aimé de son peuple chez soi. Ça veut dire qu'aux élections de mi-mandat, comme il doit, même s'il est plutôt favorable aux travailleurs, il doit composer avec ce contexte que vous nous avez décrit. Alors, s'il y a des grèves partout, il perd sa majorité au Congrès. C'est une dégelée. Écoutez, regardez là. Le nombre de représentants républicains augmente de 190 à 200. 145. Celui démocrate chute de 242 à 138. Au Sénat, les républicains passent de 42 à 51 sièges. Mais il y a une explication à ça. C'est que les travailleurs n'ont pas voté aux élections de mi-mandat. Donc, l'abstention, le taux d'abstention élevé des travailleurs américains a servi les républicains. Mais il va leur jouer un sale tour, les républicains. Pourquoi? Parce qu'il y a l'échéance présidentielle en 1948. Le Congrès est majoritairement républicain, puis le Congrès bloque tous ses projets. Ouais. Et pourtant, le candidat républicain, Dewey, lui, présente une plateforme relativement progressiste. Alors, que fait Truman à l'été 1948? Il convoque de façon tout à fait extraordinaire le Congrès et il soumet à un Congrès majoritairement républicain de voter les réformes proposées par Dewey. Ouais. Et que fait le Congrès républicain? Il ne vote absolument rien. Alors, il démontre au peuple américain, vous voyez qui sont vraiment les républicains? Mm-hmm. Des gens qui sont là pour s'opposer. Oui, pour s'opposer. Point à la ligne. Et il va remporter donc l'élection de 1948. Et pourtant, à la fin octobre, les sondages donnaient 15 points d'avance au candidat républicain Dewey. Il reste quelques minutes, André, mais il faut vraiment revenir sur la politique extérieure d'Harry Truman, qui est vraiment son principal legs, farouche anticommuniste, je le disais à quelques reprises dans cette émission. Ça va se manifester, cet anticommunisme farouche, par ce qu'on va appeler la doctrine Truman. On écoute le président Truman donner un petit peu le coup d'envoi, au fond, de cette doctrine devant le Congrès le 12 mars 1947. La Grande-Bretagne est forcée de réduire son engagement dans plusieurs coins du monde, notamment en Grèce. Et comme dans le cas de la Grèce, si la Turquie doit obtenir l'assistance dont elle a besoin, ce sont les États-Unis qui doivent l'assurer. Nous sommes le seul pays capable d'apporter cette aide. We are the only country able to provide that help. If we falter in our leadership, si nous manquons à notre rôle directeur, nous pourrions mettre en péril la paix dans le monde, ce qui porterait atteinte aux intérêts de notre propre pays. Le déroulement rapide des événements a placé de lourdes responsabilités sur nos épaules. Mais je sais que le Congrès saura faire face à ces responsabilités. Ce qu'on vient d'entendre, c'est le coup d'envoi de la doctrine, de ce qu'on va appeler la doctrine Truman en 1947. Qu'est-ce que c'est que cette doctrine et ce coup d'envoi, il correspond à quoi? Qu'est-ce qui se passe en 1947? C'est que Truman demande au Congrès de voter un crédit de 400 millions de dollars pour venir en aide à la Turquie et à la Grèce. Il y a la guerre civile en Grèce. L'armée britannique affronte les communistes grecs. En Turquie, les Soviétiques manœuvrent pour essayer de reprendre le contrôle des détroits, puis aussi auront des visées territoriales sur certaines parties du gouvernement turc. Donc, il demande 400 millions de dollars pour venir en aide. Mais la doctrine Truman, ce n'est plus ni moins que la doctrine de ce qu'on appelle l'endiguement du communisme, ouais. Le containment, qui avait été énoncé par George Kennan dans un article qui est passé à l'histoire dans la revue Foreign Affairs pour arrêter, pour contenir l'expansionnisme soviétique. Territorial ou idéologique? Idéologique. Alors, la doctrine Truman, c'est l'énoncé politique. Ça sera accompagné à partir de juin 1947 par le plan Marshall, qui est un programme d'aide de 13 milliards de dollars que l'Amérique va offrir aux pays d'Europe occidentale qui sont aux prises avec la reconstruction qui va extrêmement lentement. On craint de voir l'arrivée des communistes en France et en Italie. Et la seule façon vraiment de rétablir, de contenir justement cette espèce de courant favorable aux communistes, c'est d'accélérer la construction de l'Europe. Ouais. Donc, le plan Marshall va accorder 13 milliards de dollars à une quinzaine de pays d'Europe occidentale de 1947 jusqu'à 1953. Et grâce à cet argent-là, les États-Unis vont accélérer la reconstruction de l'Europe. Mais en même temps, cet argent-là va servir l'économie américaine parce que les pays européens doivent acheter aux États-Unis. Oui. Mais là, on est vraiment dans l'idéologie. La logique, c'est que ça va mal en Europe pour que la situation économique s'améliore et que ces gens-là qui sont dans une situation vulnérable ne succombent pas au chant des sirènes de l'Empire soviétique. On les aide. Autre, je vous disais, c'est idéologique et territorial, la guerre de Corée. Là, c'est vraiment... La guerre de Corée. Il faut contraindre... Non, parce que le 24 juin 1950, l'armée nord-coréenne envahit la Corée du Sud avec l'aval de Staline. Pourquoi? Parce que Staline est convaincu que les États-Unis ne réagiront pas. Mais à la surprise générale, Truman décide de relever le défi porté par Kim Il-sung, le grand-père de Kim Jong-un, le leader actuel, et il demande tout simplement à l'ONU de voter une déclaration envoyant justement une espèce de mission militaire pour contrer l'agression. Et la guerre de Corée, justement, symbolise justement la volonté de Truman d'endiguer le communisme. Donc, c'est la suite logique de ses engagements antérieurs. Il ne se représentera pas, Harry Truman, à l'élection de 52. Pourquoi, André Champagne? Parce que la guerre de Corée va très mal tourner, étant donné une mauvaise décision prise par Truman à la demande du général MacArthur. C'est qu'une fois qu'on a libéré le territoire sud-coréen, MacArthur décide, lui, propose à Truman d'envahir le Nord pour le libérer puis réunifier la Corée, ce qui va entraîner une intervention chinoise à la fin novembre 1950. La guerre va piétiner, elle ne se réglera qu'en 1953, mais ce qui arrive, c'est que cette guerre-là que les États-Unis ne semblent pas pouvoir gagner, discrédite son administration, ouais. Tant et si bien que les 18 derniers mois de son administration, il a des taux d'approbation extrêmement bas, qui oscillent entre 23% puis 32%, l'establishment démocrate lui fait comprendre que, dans l'intérêt du parti, il ne doit pas se représenter. De toute façon, son épouse lui a dit « Si tu te représentes, je te laisse ». Et il était très amoureux de sa bess, avec qui il a entretenu une correspondance sa vie durant. André Champagne, historien, collaborateur régulier d'Aujourd'hui l'Histoire. Merci beaucoup, André. Je vous en prie. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.